Ça me manque aussi, Poppy. Mais c'est terminé. Maintenant, c'est ça, notre vie. On peut plus se balader d'hôtel en hôtel en prenant des pseudos. On peut plus déménager tous les 3 mois pour échapper au FBI avec 2 enfants. Et je veux pas retourner en prison. Je veux plus que Jason et Emily viennent me voir pendant quelques minutes un dimanche sur deux. Est-ce que tu comprends ça? J'ai tout simplement plus envie de jouer de la musique. J'ai rien dit de plus.